mort et son avenir proche. Les anges de l'enfer l'escortent. Le hashtag vie vient peut-être d'elle, de son coup pendu à la corde. Trop jeune pour comprendre l'impact des mots. J'm'en fous de ce qu'elle veut tant que j'ai ce qu'il me faut. 13 ans déjà mon premier rapport. Depuis mon cœur a fermé la porte. Aussi bizarre que cela puisse paraître. Après la barquine, je voulais qu'elle disparaisse. Elle voulait qu'on s'aime mais je ne voulais pas. J'étais le dernier à faire le premier pas. Plus les années passaient, plus lourde est la tâche. Je la trouvais pas bonne et je voulais qu'elle le sache. Dans la méchanceté, je me sentais si bien. J'étais loin d'imaginer son quotidien. Des larmes séchées sur ses poèmes qu'elle m'écrivait en recherchant plaisir quittant et bien. Faut que j'étais comme un allélo-m, scandé par un supporter parisien. Le jour de son suicide, je n'en revenais pas. La veille, elle voulait que je la prenne dans mes bras. Mais je suis pas doué dès qu'on s'éloigne des draps. Je suis plus dans le sucement et concentre-toi. Dernier message, elle parle au répondeur. Allô Damso, je vais faire sonner mon air. Je décrochais pas, je voulais pas faire d'erreur. Qu'elle me casse les couilles, c'est ce dont j'avais peur. C'était la dernière fois que j'entendais ses pleurs. Elle était morte et pourtant je lui ai dit à tout à l'heure. Depuis je fume pour l'oublier. Je fume pour oublier qu'il est Dieu. Depuis je fume pour l'oublier. Je fume pour oublier qu'il est Dieu. Depuis je fume pour l'oublier. Je fume pour oublier qu'il est Dieu. Depuis je fume pour l'oublier. Je fume pour oublier qu'il est Dieu. En 3 ans aujourd'hui, il y a 10 ans déjà, que je prie pour que l'amnésie s'en prenne à moi. J'assume mes actes en fumant des noix. Peut-être que son avenir me pardonnera. Le jour de l'enterrement, je m'en battais les couilles. Bizarrement, c'est comme si je chantais pas les coups. En même temps, j'étais pas là pour voir sa dépouille. J'rappais pendant que le prof donnait cours. Jeune délinquant très mal dressé. Ma note à plein temps, poignet blessé. Négro d'échange, chiasse dans Wessé. M'a dit le caissier avant d'encaisser. Énervé, je lui fous une patate dans le menton. J'ai pris ce qu'il avait dit pour argent comptant. Premier braquage sans trop faire exprès. Fils de putain n'avait pas d'espèce. Je m'enferme dans la drogue douce. Pas de whisky dans le juice. J'oublie cette vie que j'ai ôtée. Mon cul plat dont je me suis moqué. En poule de père dépoli. Ressort mon teint défraîchi. Je me souviens de cette vie que j'ai ôtée. 186 B que j'ai ploté. Je me construis plus dans le regard des autres. Je suis ni des leurs, ni des vôtres, ni des nôtres. Tu t'es reloin des beaux bâtiments. Remorie de sombres châtiments. C'était la dernière fois que je sentais son pouls. Elle était morte et pourtant je lui ai dit. I love you. Depuis je fume.